Rafale de MCF, Napalm, Apocalypse. Non, on va fourrer les tons et toucher le fond comme le Calypso. Au sud, là, tu ta mère sur le site Jackie et Michel. Bellec à ton cabot, le carjacking même l'hiver. À pas parler des têtes où tu fais du rap à corps. Tu simules la détresse avant de te prendre, tu rap la corps. Chez nous, c'est du direct, pas de mood, war speed et jean. Baisse des kisses, des kisses, des kisses et des clowns en kiss des kids. Pas de cowboy, j'ai le tomahawk, on te scale comme les mohawks. Y'a le pen qu'on va plus qu'éclater son monocle. J'écris toutes sortes de textes horribles. J'suis qu'un enfoiré, le plus dixi de mes ex sous l'ex-somile. Roule comme les Hell Angels, écoute pas les évangiles. J'veux de la roumaine comme évangile, pas de la bourse comme églantine. Nique sa mère, faut faire des thunes avant que le rap m'endette. Éclate mon tête, moi j'vise la lune que dans le spectre. J'suis New Monde en 21-07-86. Boy, ne parle pas, c'est peut-être mon minot que ta fille porte. Rêve de piller, de rembourser mes potes. Mais la bouteille après minuit est aussi vite que mes poches. J'rime comme au départ, triche, m'en voulais pas. Malade à ses dos, c'est quotidien comme le bout des pattes. J'dis que le Jack, tu me crois pas, demande un marche. J'suis dans la marge, moi j'ai la rage et nous confirmera le goût du Jack. On fait les paillettes du détail, mais j'ai la dalle gros. On tourne en ville, ramène la tuile, demande à Samso. Présente les mecs, dur la mer, tu me les mauvais bails. La vie de ma mère les gars, avec le rap, ne déconnez pas. J'en ai écrit des pages, j'fais de la musique abusive. J'pourrais faire bouger des schlags, des rêves bizarres. Je fis ça, M-E-H-D-I, cocaïne, C-L-R. Gros, je casse des tiges. J'la face où tu le charges, un mieux. Dans la pièce à moine, coca que de Jack Daniel. Une gorgée de plus et j't'annonce un Maradona. J'fais des passements de jambes, j'suis en mode Maradona. C'est du rap ou calypse comme à Hollywood. V'la gros calypse dans un tout petit trou. Appelle-moi C-L-R ou même Guy Georges. Si t'as la petite touche d'humour noir à Angie Jaune. Tu peux la défaite, moi j'suis l'homme du match. J't'invite à tester mes terres si tu sirotes du jack. J'ai une brune, une blonde au bout de chaque coup. J'mets des coups de dub comme des coups de Mouchaku. J'suis pire qu'un animal, j'suis le roi de la jungle. Yo, ouvre ma braguette, voilà, v'là le machin. J'vis des cerveaux comme un sachet de buzz. Y'a mon skeut dans les bacs poteaux, hachet de gleu. Ok, j'écris la rage dans le bide et dans ma tête, c'est salement pire. Moi sur ma feuille, le mal s'empile normal, mais c'est fracasse en plus. Ouais, mon pote, hey, on a le vice au bout des watts, tout nous éloigne. Écoutez-moi rapper mes putains couplets noirs. J'suis pas ton bord, non, ne mélange pas aux langues de dame. Pense qu'on n'est pas quelle bande de dingue, qu'est-ce que j'm'en branle d'entendre te plaindre. J'traîne ma haine grave, j'regarde le décor s'assombrir. Faudra tu piches tout à son prix, tu vises le top. Les places sont prises, ça me nerf, j'rappe. J'm'en tape des vues que fera YouTube. J'écris, j'espère à chaque coup dur. De toute manière, j'suis déjà foutu. L'amour est dead, mec. Et moi, j'renforce mon cœur de pierre. Parce que la plupart d'entre vous ne méritent pas mieux que le peuple belge. Dieu me jugera en attendant qu'il m'aime, me suive. J'attends qu'une pétasse à la mode ramène ses fesses, me laisse le chiffre. Des corps, frère. T'écoutes mon blues, mais qu'est-ce que tu gardes? La vie, c'est serre. J'attends que cette pute me fracasse net l'arrière du crâne. Un zig, c'est qui tout doux? Un petit conseil, vas-y tout doux. Moi perso, j'attends pas la chance comme un petit toutou. T'arrives en bande et tu repars tout seul. Vu que la confiance est faite partout, les fils de pute multiplient par douzaine. Je reste sur mes gardes, instoppable comme quand le métro fonce. Les meufs, c'est comme le foot, le principal, c'est juste l'armée trop fond. Ouais, moi je fais du rap quand y'a rien d'autre à faire. Le regard de travers, j'ai séché les cours entre deux averses. Arrêtez votre baratin, ça peut monter le niveau. Mais je leur montre mon troisième doigt une fois la barre atteinte. Nous on est hal, nous détrôner, n'y compte pas de sitôt. Déterminé comme un anorexique dans un combat de sumo. Texte alléchant, méga déchante. Quand les filles écartent les jambes, s'en fout du regard des gens. Me parle pas de concurrence, je les ai tous doublés. Moi je descends pas du singe, mais d'un putain de fait tous couper. Envoie la carrette si, la feuille slim, je roule un feu, je plie deux spies. La rime sort, je mets la terre, les faux MC. J'rappe, j'mets les gaz, appelle-moi le génocide. Dans ce pays d'hypocrite, y'a pas que ma couleur qui dérange. Mes croyances, j'aime aussi, j'suis qu'un jeune hostile. À la rage du genre hostile, quand les keufs passent, le premier à dire les gars hostiles. Si ta soirée pue la merde, demande pas de rester. Si tu m'entends, insulter ta mère, c'est que là j'ai pas de respect. Attends, j'respire une bouffée d'air pur, non. Une grosse taf sur une axe de verdure. Les frères sont perdus, se retrouvent après l'ouverture d'une day après le check. Bien sûr, y'a le verre pur, petite pute, j'reste toujours sur toi comme une sangsue. J'te pisse dessus, j't'encule. Ma rime n'a pas de censure, arrête le rap, prends pas ton style, te rends habile. Belani, toi t'as du bif, petite pute, c'est encore ta mère qui t'habille. Bloc sur nos faces, sortis des tranchées. Nos faces tout droit, sortis des tranchées. C'est pas du farce à table, c'est pas du lore en Bafi. J'ai le vertige en haut de l'affiche, on veut de l'or en barfille. Depuis les guets, on écoute plus du Marvin. Que la rage me quitte impossible comme Ali l'imparfine. Tu gardes les pieds sur terre, quand moi je gravite. Ça tue le temps entre Brafi et trafic. Hey flip, poste ta plaque, joue pas le flic. Ici l'honnêteté se fait rare comme un coupable. J'vis au cœur de l'enfer, là où on bannit la clim. M'arrache et vite les ondes, c'est pas du Hakim. Les ignorants flics tout ça m'a confond pas le gourou et le chaman. Achetard c'est comme Rune des Air Max au charme. J'ai notre l'a dit on amasse les soucis sans détail. Qu'est-ce qui a prod? Écoute là mon âme est sans état.